bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Éco, le rendez-vous économique sur Radio Fagette dont l'ambition est de vous faire aimer l'économie. Lors de chaque émission, nous aborderons une thématique spécifique. Aujourd'hui, nous allons évoquer le bonheur au travail avec une émission toujours co-animée avec Francine. Bonjour Francine. Bonjour Jérôme. J'espère que tu es en pleine forme. Ah bah comme toujours Jérôme. Et être heureuse d'être présente aujourd'hui. Tout à fait. Alors bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Instant Éco. Alors, des personnes qui prennent plaisir à se lever et à aller travailler, n'est-ce pas le rêve? Eh bien, d'après les travaux d'Isaac Gates en France, le pourcentage de salariés qui se lèvent le matin avec le sourire, c'est 11%. Par contre, près de 58% des salariés, effectivement, sont beaucoup moins motivés. Des salariés qui vont au travail pour aller chercher un salaire et non pas pour prendre des initiatives. Alors, face à ces pourcentages un petit peu déroutants, la question que l'on doit se poser, c'est de savoir si ces salariés étaient dans cette philosophie le jour où ils ont été recrutés. Est-ce que la gestion du personnel aujourd'hui ne pose-t-elle pas problème? C'est l'occasion de décrypter donc les conditions pour rendre les salariés heureux au cours de cette émission de l'Instant Éco. Et on va tenter d'être le plus clair possible aujourd'hui avec notre invité, François Piot, qui est dirigeant du groupe Prêt à Partir. Bonjour Monsieur Piot. Bonjour à tous, merci pour votre invitation. Ben merci Monsieur Piot d'avoir accepté notre invitation. Alors Monsieur Piot, avant d'aborder ce thème du bonheur au travail, on va essayer de vous connaître. Votre société Prêt à Partir, installée à Gondreville et spécialisée dans le secteur des activités voyagistes. Alors dans quelles circonstances avez-vous été attiré donc par le monde du transport? Alors complètement par hasard. J'étais en train de sauver le monde dans un laboratoire de biologie moléculaire à l'Institut Curie. Ça ne marchait pas. Et mon père allait vendre l'entreprise à des étrangers. Alors je suis allé voir celle qui allait devenir ma femme et la mère de mes filles quelques années plus tard. Elle travaillait dans le laboratoire à côté de moi. Et je lui ai dit, viens, je te propose de reprendre l'entreprise familiale. Je pense qu'on peut s'amuser. C'est parti comme ça. Alors donc vous avez donc été rapidement attiré donc par cette approche entrepreneuriale? Alors au début, pas du tout. Ça a été un peu compliqué. Surtout que j'avais le côté très cartésien du chercheur, ce qui n'est pas toujours très adapté au monde du management. Et puis après, je me suis pris au jeu. Et alors avant d'aborder les enjeux effectivement actuels auxquels est confrontée votre société, pouvez-vous évoquer donc votre plus beau souvenir professionnel? Alors c'est difficile d'en choisir un. Et peut-être finalement, c'est ce qu'on vient de vivre là depuis 3 ans, cette crise sanitaire, qui nous a coûté très cher, mais qui aussi a libéré des énergies dans l'entreprise, qui nous a amené à penser le monde de l'entreprise un peu différemment, avec des relations qui sont peut-être plus profonde qu'avant le Covid. Par exemple, pendant cette période, j'ai reçu des cadeaux de la part de mes collaborateurs pour me remercier du management plutôt bienveillant que j'ai mis en place. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Tout à fait. C'est justement pour cette raison que je vous ai invité, pour que vous parliez effectivement de votre management des ressources humaines au sein de votre société. Alors, si vous avez eu du plaisir, vous avez également certainement été confronté à des réels soucis professionnels. Est-ce que vous pouvez nous évoquer un de ces soucis professionnels? Ah oui, ça, il y en a eu beaucoup, ça, je vous confirme. C'est ce qui rend les choses drôles. Alors, néanmoins, moi, quand je suis arrivé dans l'entreprise, c'était un peu compliqué. L'entreprise connaissait une grave crise financière, ce qui nous a d'ailleurs amené à céder en 2004 une partie de l'activité transport au groupe Transdev. Alors ça a été extrêmement formateur, ça a été douloureux parce qu'il a fallu se séparer de collaborateurs qui ont quitté l'entreprise pour aller dans une multinationale, mais ça a été extrêmement formateur et l'autre leçon que je retiens, c'est que quand finalement on n'a rien à perdre, ben on peut tout gagner. Tout à fait, il faut toujours tirer bénéfice des échecs professionnels notamment. Alors monsieur donc Piot, vous êtes donc dirigeant effectivement de la société donc Prêt à Partir. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous décrire votre société? Alors globalement Prêt à Partir c'est une grosse PME, environ 1500 collaborateurs, avec deux métiers historiques que sont la mobilité, le transport par autocar, on emmène beaucoup d'enfants à l'école dans les régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, et puis un réseau d'agences de voyage. À côté de ces deux métiers historiques, j'ai souhaité diversifier nos activités depuis une quinzaine d'années. Donc on est producteur d'énergie renouvelable à partir de panneaux solaires, méthanisation, centrales hydroélectriques. Et en même temps, donc, nous accompagnons des startups qui œuvrent dans nos métiers, des startups innovantes qui œuvrent dans la mobilité, les loisirs et l'environnement. Donc on les accompagne à la fois en investissement et puis dans certains cas, on les héberge essentiellement à Paris. D'accord, une entreprise donc bien diversifiée. Alors, ces dernières années, votre société a dû relever de nombreux défis, affronter la crise sanitaire avec 3 périodes de confinement, et puis maintenant l'envolée du prix des matières premières. Donc, quel est votre état d'esprit actuellement ? Alors, tous les matins, c'est dur. Hein. C'est, le quotidien est difficile. Maintenant, pendant cette période sanitaire, on a quand même bien été aidé par l'État et sous toutes ses formes, que ce soit la région Grand Est, les terres touloises. Tout le monde a été là pour soutenir l'entreprise. Ce qui est plus compliqué aujourd'hui, ce sont les problèmes de management, de recrutement, en particulier sur l'activité transport, où là on vit une vraie pénurie de conducteurs qui nous pénalise tous les matins, ainsi que les élèves et leurs parents. Donc ça, c'est beaucoup de stress. C'est la question du sens au travail qui se pose auprès de nos collaborateurs, et en particulier dans nos agences de voyage pendant cette période sanitaire, malgré le mot d'ordre de prendre soin de nos collaborateurs tout le temps, on a quand même perdu presque un tiers de nos collaborateurs. C'est en moyenne un collaborateur par agence qui a quitté le métier, qui n'est jamais parti dans l'agence d'en face, mais qui s'est levé un matin en se demandant est-ce que je ne suis pas en train de passer à côté de ma vie, et qui prenait la décision de quitter l'entreprise pour aller dans d'autres métiers ou pour rentrer chez soi. Donc vous insistez bien sur l'importance effectivement donc des salariés, des collaborateurs pour affronter de telles crises. Alors justement, votre management présente effectivement une certaine originalité. Alors je sais que vous avez un modèle de management qui est celui qui a été initialement mené par Jean-François Zobrist, hein, qui est ancien dirigeant de Favi, qui est une société spécialisée dans les fourchettes de boîtes de vitesse, alors, et qui a supprimé donc toute forme de hiérarchie dans son entreprise. Alors on va écouter quelques mots de Jean-François Zobrist qui explique effectivement la philosophie de sa conception du management des ressources humaines. C'est l'homme est bon, et c'est l'amour du client. L'homme est bon dans aucun contrôle par principe. Je fais confiance aux ouvriers et aux commerciaux. Le seul savoir de l'Occident, c'est nos ouvriers. Il suffit juste de le libérer. Et dans la structure aussi, encore une fois, il y a les contremaîtres, les chefs d'équipe. Ils ont une culture énorme, mais on les cantonne dans un rôle de contrôle. Les mecs, ils font du contrôle, étant eux-mêmes contrôlés par toute la hiérarchie. Le drame qu'il y a eu, c'est qu'on est passé du management des hommes par les hommes pour les hommes à la gestion des chiffres pour les chiffres par les chiffres. Maintenant, il faut revenir au bon sens. Pendant les 5 millions d'années de chasse et de cueillette, tout le monde chassait et cueillait, même le chef. Dans les 15 millions d'agriculture, tout le monde cultivait à la noblesse et au clergé près. On n'a jamais eu 30 à 40% de parasites dans les boîtes comme on a maintenant. C'est une invention des 30 glorieuses où on gagnait tellement d'argent. Alors parasite, c'est pas méchant, hein, ça s'appelle parasitos, qui vit aux dépens d'eux, mais qui n'apporte rien au système. Alors Monsieur Piau, pour vous aussi, c'est la confiance plutôt que le contrôle vis-à-vis de vos salariés ? Complètement d'accord avec ce qu'a dit Zobrist. Hein, moi, j'ai lu quelques ouvrages de Zobrist et franchement, j'ai rien trouvé à jeter. J'adore Zobrist. Alors le contrôle, chez nous, ça coûte cher. Hein. C'est justement pour ça qu'on en fait très, très peu. Déjà parce que ça donne à nos collaborateurs le sentiment qu'on leur donne confiance. La confiance est extrêmement importante. Ça les libère. Et puis ça évite, en effet, des couches hiérarchiques qui, comme le disait Zobrist tout de suite, sont inutiles. Chez Prêt-à-Partir, on a un peu des extraterrestres. Hein. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de budget. Donc ça choque un peu quand on vient de l'extérieur, surtout les banquiers d'ailleurs. Bon, quand ils ont besoin d'un budget, je leur fais ça. Je leur demande de repasser 3 minutes plus tard et puis je leur demande combien ils veulent. Donc, la confiance, c'est essentiel. Hein, et je reste Vosgien là-dessus. On donne toujours notre confiance quand on est Vosgien, mais on n'a pas le droit de la trahir. Hein. La confiance, c'est comme les champignons. Tous sont comestibles, mais certains ne le sont qu'une fois. Donc chez nous, par exemple, de confiance, les nœuds de frein ne sont pas contrôlés. Je les signe, mais je ne les regarde pas. On ne contrôle pas les horaires. Les états de présence ne sont pas analysés. Les congés ne sont pas validés. La personne est en congé, elle nous prévient, mais c'est l'équipe qui décide de sa période de congé dans l'intérêt de l'entreprise. Donc on essaie de supprimer toutes ces couches de contrôle, de validation, de syndrome du petit chef, hein, qui, à mon avis, est déjà un coût et en même temps une source d'improductivité pour l'entreprise. Alors, Monsieur Piau, comment vous assurez-vous que les candidats à l'embauche vont adhérer aux valeurs de votre société ? Alors déjà, on n'embauche que des candidats pour lesquels on a un coup de cœur. C'est ce que je dis à mes équipes. Si ce n'est pas un coup de cœur, oubliez. Déjà que quand c'est un coup de cœur, on se trompe une fois sur deux. Et après, moi j'essaye quand je mène des entretiens de recrutement de m'intéresser à la personne que j'ai en face de moi, savoir qui c'est exactement. Il y a ses compétences, mais il y a aussi ce qu'elle est réellement au fond d'elle-même. Ça, c'est important. Je demande à des candidats, par exemple, quelle est leur passion, ce qui les fait se lever le matin, pourquoi ils sont prêts à faire des efforts. Et c'est avec des questions comme ça que j'arrive à mieux cerner leur personnalité et à à savoir s'ils se sentiront bien chez nous. Alors, et donc dans un contexte de tension du marché du travail, en particulier dans le secteur du transport, vous arrivez malgré tout à toujours recruter des personnes qui satisfont aux valeurs de votre entreprise ? Alors, on a mis en place un système de recrutement extrêmement compliqué pour recruter des conducteurs. On a trois critères. Le premier, c'est, on demande au candidat, c'est est-ce que tu as le permis D, qui est le permis pour conduire des autocars. Deuxième critère, est-ce que tu as le permis D? Troisième critère, est-ce que tu as le permis D? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas du tout le choix des personnes qu'on embauche. On est en pénurie totale, comme nos confrères. Et il suffit d'avoir le permis pour être embauché et conduire un autocar, ce qui parfois peut faire un peu froid dans le dos. Mais l'idée, c'est de prendre des candidats qui sont en cohérence avec nos valeurs. Et c'est là où c'est compliqué, parce que comme on n'a pas de choix à l'embauche, bah, il faut ensuite former les gens qu'on embauche, les acculturer, leur expliquer nos valeurs, prendre du temps. Et avec toute la difficulté, souvent dans les entreprises, on gère en pensant aux 3% qui trichent, qui ne jouent pas le jeu et qui ne travaillent pas avec l'ensemble de l'entreprise. Et on prend des règles, des procédures en pensant aux 3%. Mais moi, je pense que c'est avec les 97% qui restent, ceux qui mouillent la chemise pour que l'entreprise survive, qu'elle se développe, c'est avec ces 97% qu'il faut qu'on travaille et qu'on oublie les 3% de démotivateurs qui nous pourrissent le quotidien. Oui, c'est un témoignage tout à fait effectivement intéressant. Alors, on va faire une première pause musicale, Monsieur Piou, et après cette pause musicale, on va reprendre notre discussion pour parler de ce mode de management qui permet d'avoir des salariés épanouis. Alors, Monsieur Piou, quel a été votre premier coup de cœur ? C'est une chanson de Maxime Le Forestier, mon frère. Alors, j'ai eu un frère, mais il n'a peut-être pas eu la place dans ma vie que j'aurais souhaité. Mmh. Très bien, on va écouter votre premier coup de cœur, Maxime Le Forestier, mon frère. Que je n'ai jamais eu, sais-tu, si tu avais vécu ce que nous aurions fait ensemble. Un an après moi, tu serais né, alors on se serait plus quitté comme deux amis qui se ressemblent. On aurait appris l'argot par cœur, j'aurais été ton professeur à mon école buissonnière. Sûr qu'un jour on se serait battu, pour peu qu'alors on ait connu ensemble la même première. Mais il n'est pas là, à qui la faute? Pas à mon père, pas à ma mère. Tu aurais pu chanter cela. Jamais eu, si tu savais ce que j'ai bu de mes chagrins en solitaire. Si tu ne m'avais pas fait faux bond, tu aurais fini mes chansons, je t'aurais appris à en faire. Si la vie s'était comportée mieux, elle aurait divisé en deux les paires de gants, les paires de claques. Elle aurait sûrement partagé les mots d'amour et les pavés, les filles et les coups de la traque. Mais tu n'es pas là, à qui la faute? Pas à mon père, pas à ma mère. Tu aurais pu chanter cela. Toi, le frère que je n'aurai jamais, je suis moins seul de t'avoir fait pour un instant t'ai dérangé, tu me pardonnes. Ici, quand tout vous abandonne, on se fabrique une famille. Voilà, c'était Maxime Le Forestier, mon frère, qui était le premier coup de cœur musical de notre invité, François Piau. Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Vous êtes bien sur Radio Fadjet et vous écoutez l'Instant Éco, dont l'ambition donc est de vous faire aimer l'économie. Et dans cette première partie de l'émission, donc, dans laquelle nous accueillons M. Piau, eh bien, nous évoquons justement donc, l'entreprise libérée, cette nouvelle façon de gérer donc, les salariés. Alors, M. Piau, donc, vous faites confiance aux salariés et vous avez notamment développé la communication avec ces derniers. Alors, pouvez-vous nous décrire justement les différents axes de communication que vous avez établis avec vos salariés ? Alors, on sort de 3 années de crise sanitaire qui ont été chez nous très très dures parce que dans notre métier d'agent de voyage, on a vécu 2 années avec des périodes de fermeture et un chiffre d'affaires qui s'était effondré à peu près à moins 70% pendant 2 ans. Donc le 17 mars 2020, quand le premier confinement a démarré, ça a été un moment assez émouvant parce que j'ai fermé le siège, je suis rentré chez moi et on ne savait pas pour combien de temps on allait comme ça se replier sur nous-mêmes. J'avais dit d'ailleurs à mes équipes, en patron visionnaire, vous inquiétez pas, dans 3 semaines, on rouvre les agences et la vie normale reprend. Et il s'est passé un truc qui a marqué l'entreprise, parce que le lendemain, donc, j'ai voulu garder le lien. Je me suis posé la question, c'est là, comment je peux être présent auprès de mes collaborateurs qui sont chez eux ? Comment je peux prendre soin d'eux pour qu'eux-mêmes prennent soin de nos clients à distance, alors qu'on n'a plus le droit d'ouvrir nos agences. Et je leur ai envoyé un premier texte où je commentais ce que je viens de vous dire, la façon dont j'étais rentré chez moi après avoir fermé les bureaux à Gondreville. Et puis le deuxième jour, j'ai envoyé un deuxième texte pour leur parler, commenter l'actualité, leur parler de ce que je ressentais. Puis le troisième jour, j'ai commencé à leur parler de l'histoire de l'entreprise. C'était aussi pour moi un moyen de tuer un peu l'absence de travail. Et puis, de fil en aiguille, je leur ai écrit chaque jour depuis le 17 mars 2020, avec un peu moins de régularité depuis quelques mois. Mais je suis devenu un écrivain amateur, patron, avec un public captif, qui sont mes salariés, et à qui j'ai raconté plein de choses. Ça représente 600 000 mots, 6 gros romans, 6 énormes romans. Donc j'ai été productif. Encore une fois, avec un public captif, donc c'est plus facile. Et je leur ai parlé de tout, du lundi au samedi. Je leur parlais de l'entreprise, de son histoire, de son passé, de son futur, de son présent, de ce qu'on allait prendre comme décision, de justifier aussi les décisions passées, ce que je n'avais jamais pris le temps de faire. Et c'est devenu un rendez-vous quotidien qui est important. C'est-à-dire, c'est des textes qui sont eux-mêmes importants. C'est à chaque fois une grosse page à 4,5, qui est devenu un rendez-vous immanquable. Il m'est arrivé d'oublier d'envoyer mon texte le matin, j'étais rappelé à l'ordre par mes équipes. Il y avait aussi des moments où je faisais part de mes états d'âme, où quand mon moral commençait à flancher, j'en parlais, mais tout de suite j'étais rappelé aussi à l'ordre. Mes collaborateurs me disaient qu'ils avaient besoin de moi pour que je les soutienne et que je n'avais pas le droit de flancher. Ça, c'était à la fois réconfortant et dur à entendre. Et donc j'ai gardé cette habitude, hein, et ça a permis donc de garder le lien avec nos collaborateurs qui eux-mêmes ont gardé ce lien si précieux avec nos clients. C'est ce qui fait que globalement, déjà on a réouvert nos agences totalement bien avant nos confrères. Dès mai 2021, il n'y avait plus une seule heure de chômage partiel chez nous. En même temps que tout ça a été accompagné par un management plutôt bienveillant, à savoir qu'on a garanti les salaires pendant les périodes de chômage partiel à 100%. Et que tout de suite, j'ai expliqué à mes collaborateurs que le but de cette période, c'était que l'entreprise serve de socle protecteur de l'emploi, de façon à ce qu'on emmène tout le monde à la fin de la période sanitaire, que tous ceux qui avaient envie de rester puissent rester et continuer à faire ce métier qui est un métier de passion. Donc on constate actuellement une nouvelle approche du travail de la part d'un certain nombre de salariés. On témoigne de plus en plus de démissions, la montée de l'absentéisme. Est-ce que votre mode de management a limité cette tendance au sein de votre société ? Alors oui et non. Parce qu'on a connu comme des confrères des grandes périodes de démission où on a perdu en moyenne un collaborateur sur 3, quasiment une personne par agence qui a quitté le métier jamais pour aller dans l'agence d'en face, mais qui changeait de métier, qui changeait de vie. Donc ça a été l'occasion de recruter, évidemment, et ça a été compliqué de recruter jusqu'en septembre 2021. Après, c'est devenu plus simple parce que tout ce que j'ai mis en place avec mes équipes et puis mes managers, je pense que ça s'est su dans le métier et que ça a donné envie à des débutants, mais aussi à des salariés expérimentés de nous rejoindre. Ce qui fait que globalement, aujourd'hui, l'entreprise elle est en ordre de marche avec des équipes qui sont quasiment au complet et que les clients sont là et que tout se passe bien. Et donc, on a l'impression par vos propos en fait, que votre rôle en tant que dirigeant, en tant que manager stratégique, ce n'est pas simplement un simple lien hiérarchique. Vous êtes vraiment un rôle d'animateur. Alors pour moi, le dirigeant, il a une dimension qui va bien au-delà de la hiérarchie. D'ailleurs, on essaye d'écraser la hiérarchie dès qu'on peut. Hein, comme le disait Zobrist, on essaye d'éviter les parasites chez nous. Mmh. C'est important d'avoir une relation directe, au plus directe avec le terrain. Donc le dirigeant, pendant une période comme le Covid, qui est une période troublée, hein, qui est une période d'inquiétude, voire d'angoisse pour les collaborateurs, il a vraiment un rôle qui va au-delà du manager. À un moment donné, le manager doit donner envie. Et depuis 3 ans, le manager doit donner confiance et espoir, voire espérance même. On est dans une dimension quasi religieuse, parce qu'il faut y croire. Il faut croire que l'entreprise, que le métier va avoir un avenir. Et c'est le doute en permanence. Et d'ailleurs, il n'y a que celui qui doute qui est un fervent croyant. Et alors justement, ce mode de management qui fait confiance aux salariés, qui leur donne effectivement, qui leur permet de s'épanouir, ça favorise l'esprit d'initiative et d'innovation de vos salariés. Est-ce que vous pouvez citer quelques exemples concrets de solutions qui ont été justement proposées par vos salariés et qui ont permis d'améliorer leur quotidien? Alors, on cherche en effet à ce que nos collaborateurs s'amusent au quotidien. Et pour qu'ils s'amusent, ma conviction, c'est qu'ils doivent prendre du plaisir et innover. C'est pour ça qu'en même temps qu'un devoir d'innovation que je leur demande, je leur reconnais un droit à l'erreur. Les gens chez nous ont le droit de se tromper parce que justement, ils vont tester des trucs, ils vont essayer. Et puis parfois, ça marchera, parfois, ça ne marchera pas. Alors, j'ai un exemple très concret qui est une belle histoire, qui est qu'on devait déployer un système d'information voyageurs sur l'un de nos sites de transport. Et notre fournisseur ne répondait pas à nos attentes, ni en termes de délai, ni en termes de prix. Et à l'époque, donc, j'ai un de nos collaborateurs qui est responsable de nos développeurs informatiques qui m'a proposé qu'on fasse notre système en interne. Je lui ai dit banco, vas-y. Et il a réussi à nous sortir en quelques semaines un truc qui était super, qui fonctionne et qui depuis nous a permis de gagner des appels d'offres de transport public. Ça, c'était une très très belle histoire parce que les plus belles histoires, en fait, elles s'écrivent quand le patron n'est pas là. Et c'est ce qu'on appelle, je crois, l'intrapreneuriat, c'est-à-dire l'esprit d'innovation à l'intérieur de l'entreprise. Et il faut s'appuyer justement sur ces ressources vives, donc grâce à votre management, effectivement, d'entreprise libérée. Alors, on va vous retrouver dans quelques instants pour voir votre vision de l'entreprise donc dans 10 ans. Mais on va passer tout de suite à votre deuxième coup de cœur musical, Monsieur Piau. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi? Je crois que c'est de la musique classique. Tout à fait. J'ai choisi Pierre et le Loup de Prokofiev. Parce que c'était ma première rencontre avec la musique classique, qui est très importante pour moi. C'est quand j'étais au collège à Neufchâteau, au collège Pierre et Marie Curie. Pierre, qui est cet insouciant, courageux, téméraire, qui a un peu l'image du chef d'entreprise, un gars volontaire qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. D'ailleurs, ça fait référence à une autre Madeleine, qui est le Petit Prince, qui chez nous est très important. Mais voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup Prokofiev, j'aime beaucoup Pierre et le Loup. Est souvent présent dans ma tête et d'une façon générale tous les romantiques russes. Très bien, on retrouve tout de suite votre deuxième coup de cœur, donc Pierre et le Loup de Prokofiev. Voilà, c'était un extrait de Pierre et les Loups de Prokofiev. C'était le deuxième coup de cœur de notre invité, François Piau. Fadjet, une radio associative, locale, solidaire et citoyenne. Vous êtes bien sur Radio Fadjet, c'est l'instant écho. On accueille François Piau pour parler effectivement management original. Alors on a évoqué justement le fait que dans votre entreprise, vous faisiez confiance aux salariés avec des prises d'initiative. Alors justement, est-ce que certaines personnes, certains salariés viennent chez vous justement pour cette originalité ? Alors là, on parle de la marque employeur. Mmh. Cette marque employeur, c'est l'image qu'ont les gens à l'extérieur de l'entreprise et qui se posent la question, est-ce que j'aurais envie d'aller travailler pour cette entreprise ? Et autant il y a quelques années, les employeurs avaient le choix parmi les candidats et souvent c'était ironiquement la phrase de dire « Écoute, si tu ne veux pas le job, il y en a 10 comme toi qui attendent derrière la porte ». Aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Il faut que les employeurs fassent un vrai travail sur eux-mêmes, sur leur mission, sur le sens de leur entreprise pour pouvoir attirer les talents dont ils ont besoin pour l'avenir. Parmi les jeunes qu'on recrute, on sent qu'il y a un changement. Les jeunes sont beaucoup plus sensibles à l'écologie que les gens de ma génération, c'est certain. Donc ça a été un sujet important chez nous de savoir comment on pouvait communiquer à la fois auprès des gens qu'on avait envie de recruter et en même temps auprès de nos clients pour parler de cette fameuse empreinte carbone, en particulier dans les voyages. Donc pendant la crise sanitaire, on a mis en place une information qui est ni réglementaire, ni obligatoire, qui est complètement gratuite, qui permet à chaque voyageur d'avoir une estimation de l'impact CO2 des voyages qu'on leur propose, que sur les devis ou sur les factures. Parce que moi, il y a un truc qui m'énerve, c'est qu'on trouve encore beaucoup de sites internet où on vous explique que pour 3 euros, vous pouvez compenser l'impact carbone de votre voyage à New York. C'est complètement faux et c'est même criminel de dire ça. Donc aujourd'hui, quand vous achetez un voyage chez Prêt-à-Partir, on vous dit que ben voilà, votre voyage aux Canaries, avec Luxair, c'est pour une semaine de voyage et 4 personnes, c'est en gros 3 tonnes de CO2. Et 3 tonnes de CO2, bah, combien ça vaut ? Il faut le relativiser. Déjà, un Français, en moyenne, un Français émet 10 tonnes de CO2 par an. C'est un peu moins maintenant. C'est entre 9 et 10 tonnes par an. Donc vous voyez que 3 tonnes pour 4 voyageurs, c'est considérable par rapport au budget annuel. Et puis une tonne de CO2, combien ça vaut ? Ça, c'est une vraie question aussi. Une tonne de CO2... Bah, si vous allez fouiner un peu sur Internet, vous vous rendez compte qu'une tonne de CO2, ça vaut à peu près 100 euros. Donc, compenser un voyage aux Canaries pour 4 personnes, bah, c'est un budget, c'est plusieurs centaines d'euros. Et aujourd'hui, clairement, nos clients ne sont pas encore prêts à payer pour ça. Mais ce qu'on leur doit au minimum, c'est cette information qui est importante. On doit les sensibiliser. On n'est pas du tout dans la culpabilisation, on est dans l'information. Et je pense que c'est notre devoir de donner cette information. Alors, Monsieur Piau, dernière question. Comment voyez-vous votre société dans 10 ans ? Alors, notre métier évolue. Nos clients, on l'a vu pendant la crise sanitaire, ont beaucoup d'attentes vis-à-vis de nous. D'ailleurs, on a vu beaucoup de voyageurs qui avaient l'habitude d'acheter sur Internet qui reviennent vers les agences de voyage, les nôtres comme celles de nos confrères. Parce qu'il y a une attente en termes de conseils, d'accompagnement, de services. Et je dis toujours, de façon un peu ironique, qu'aujourd'hui, le client, il s'attend quasiment à ce qu'on emmène sa valise dans l'avion et que quand il atterrit, eh ben, on soit là pour l'emmener à l'hôtel. Mais bon, on n'en est pas encore là. Néanmoins, je pense que notre société, notre métier va vers de plus en plus de services. Nous, on n'est pas des vendeurs de voyage, finalement, on est des vendeurs de temps. On vend du conseil, on est là pour vous éviter d'avoir des déconvenues en voyage, on est là pour que le voyage se passe bien. Donc il y a plein de choses qui arrivent en voyage, dont souvent les voyageurs ne sont même pas conscients, parce qu'on est là en coulisses pour intervenir. Et finalement, notre métier est en train d'aller de plus en plus vers la conciergerie, vers un service de plus en plus haute couture, adapté à chaque client, à chaque voyage, avec un mot d'ordre qui est toujours de prendre soin du client où qu'il soit. Eh bien, merci Monsieur Piau. On aurait pu passer beaucoup plus de temps hein, sur votre société en raison de votre passion et l'originalité de votre management, mais l'émission se termine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Grand merci à vous, c'était vraiment super sympa. Et en tout cas, on espère avoir éclairé au mieux les auditeurs donc, sur ce mode de management qui rend les salariés un peu plus épanouis dans leur travail, ce qui peut donner des idées aussi bien à des responsables de société, mais aussi à des salariés qui ne doivent pas hésiter à changer d'emploi afin d'être plus épanouis professionnellement. Voilà, donc n'hésitez pas donc à faire vos commentaires donc sur la page Facebook de Fadjet. Et puis, vous savez que vous pouvez également écouter en replay cette émission sur le site de la radio. Eh bien, Francine, on se retrouve le mois prochain. Mais oui, Jérôme, tout à fait. D'ici là, n'oubliez pas donc de rester fidèle à Radio Fadjet.